France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Après la Seconde Guerre mondiale, la comédie musicale britannique est à la peine. La guerre a donné un coup d'arrêt, les grands auteurs d'avant-guerre, Noël Coward, Ivor Novello, sont dépassés. Le public britannique préfère les œuvres plus modernes, plus optimistes, venues d'Amérique comme Oklahoma ou Annie Get Your Gun. La musique sonne moins victorienne et les histoires sont plus rythmées par de beaux numéros de danse. Cette invasion américaine dure une bonne dizaine d'années et puis quelques compositeurs britanniques apparaissent et vont redonner des couleurs. On connaît Lionel Bart et son adaptation en 1960 de Oliver Twist. On connaît moins David Heinecker. Pourtant, en 1963, sa comédie musicale Half a Sixpence est un triomphe et va s'exporter à Broadway. Un spectacle inspiré du roman autobiographique de l'auteur de La Guerre des Mondes, H.G. Wells. Bienvenue ce matin sur une 42e rue très british. And tumble for a humble deserve. One can betray one's troubles never, whatever occurs. Night after night have to look bright, whether you're well or ill. People must laugh their fill. You mustn't sleep till dawn comes creeping. Though I never really grumble, life's a jumble indeed. And in my efforts to succeed, I've had to formulate a creed. In doing what I can, in crying when I must, in laughing when I choose. Hey ho, if love were all, I should be lonely. I believe the more you love a man, the more you give your trust, the more you're bound to lose. Although, when shadows fall, I think if only somebody splendid really needed me, someone affectionate, would be ended if I knew that he wanted to have me near. But I believe that since my life began, the most I've had is just a talent to amuse. Hey, if love were all. the street, and suddenly you meet a pair of brown eyes dancing along. Up go the lights, out go the flags, on come the dancers, bang goes the drum, and you're in love. And the show has begun. Then you're hand in hand, and louder than the band, your happy heart starts singing the song. And up go the lights, out go the flags, on come the dancers, bang goes the drum, and you're in love. And the show has begun. The world's a stage, the moon's a spotlight in the skies, your heart's applauding, and the curtain started to rise. Suddenly you kiss, and nothing quite like this has ever happened to you before. As up go the lights, out go the flags, on come the dancers, bang goes the drum, and you're in love. And the show has begun. Spotlight in the skies, your heart's applauding, and the curtain started to rise. Suddenly you kiss, and nothing quite like this has ever happened to you before. As up go the lights, out go the flags, on come the dancers, bang goes the drum, and you're in love. And the show has begun. The world's a stage, the moon's a spotlight in the skies, your heart's applauding, and the curtain started to rise. Suddenly you kiss, and nothing quite like this has ever happened to you before. As up go the lights, out go the flags, on come the dancers, bang goes the drum, and you're in love. And the show, and the show, and the show has begun. Bang goes the drum and you're in love. C'était Blossom Dairy, une des toutes premières chansons composées par ce Britannique, David Henneker. Il avait à l'époque 48 ans. Un auteur britannique de chansons à l'honneur ce matin sur la 42e rue, qui trouvait d'ailleurs trop ronflant de se faire appeler compositeur et qui démarre donc sa carrière tardivement. Il est fils de militaire, il effectue d'abord une carrière dans l'armée avant de se reconvertir dans le music hall vers 45 ans en jouant dans des clubs de jazz à Londres. Il commence par composer pour des revues et puis pour quelques chanteurs qu'il admire comme Leslie Hutchinson. Ce qui a créé le déclic musical chez lui, c'est un spectacle dont nous avons entendu un extrait pour ouvrir cette émission, Bittersweet, comédie musicale de Noël Coward, des histoires d'amour passionnel d'un jeune Britannique de Londres à Vienne à la fin du 19e siècle, et une musique qui oscillait, vous l'avez entendu, entre opérette et musique victorienne. C'était Julia d'Alba, If Love Were All, avec l'orchestre dirigé par Johnny Douglas. La toute première comédie musicale signée David Henneker à Londres s'intitule Expresso Bongo en 1958. C'est l'histoire d'un impresario malveillant qui prend sous sa coupe un adolescent musicien, joueur de bongo, qu'il découvre dans un pub de Londres. Avec cette satire du milieu musical britannique, David Henneker introduit la première guitare électrique dans une fosse d'orchestre à Londres. Alors c'est un spectacle qui décoiffe, qui donne la parole à la jeunesse avec des chansons ironiques et puis avec également un anti-héros, le producteur, l'agent incarné par Paul Scofield, qu'on va entendre dans un instant juste après l'ouverture très cuivrée de ce spectacle. I packed my bag, I got my ticket, and I was on the train to Shangri-La. There's a palace to rent there, but for me not a tent there, 'cause I had to get off the gravy train. The coach was gold, the seats were velvet, and there were slave girls serving caviar. But those pills tasted bitter, and the gold lost its glitter when I had to get off the gravy train. What a fabulous journey, how fantastic to be, where the mountains of money roll down to the sea. What a fabulous journey, with its fabulous sights. It's a drama that beats Cinerama, a lush panorama, and you own the rights. Then came the night in all its glory, and there were slave girls in my sleeping car. Then they suddenly cackled, and I found I was shackled when they shoveled me off the gravy train. The train now standing at platform one is the through train to your place in the sun. But the train now standing at platform six goes back to Shanty Town, one horse town, downhill to Port Styx. So here I am, back where I started, and I'm a million miles from Shangri-La. Now they've roped me and fenced me with the signals against me, and I'll never get on the gravy train. What do I want with those brothers and sisters of the whole door trade anyway? No, I'll never get on the gravy train. La chanson du méchant impresario dans cette comédie musicale de David Heinecker, Espresso Bongo, c'était Paul Scofield, Gravy Train. David Heinecker qui est l'un des rares auteurs britanniques à, après-guerre, à avoir deux de ses œuvres produites en Amérique. En 1958, il avait déjà traduit en anglais Irma la Douce, qui va ouvrir à Broadway en 1960, et puis en 1965, ouvre à Broadway Half a Sixpence. C'est donc une fable drôle, désuète, enlevée, inspirée de l'autobiographie du romancier britannique H.G. Wells, dont on connaît évidemment La Guerre des Mondes, avec des musiques populaires, burlesques, de grands numéros et de belles ballades. Alors, ce roman raconte le destin d'un jeune adolescent, pauvre, qui découvre qu'il vient d'hériter d'une rente et décide de se faire ami et femme dans la bourgeoisie qu'il rejettera de façon assez sèche. Un spectacle dont le point d'orgue est une scène de mariage avec celle qu'il aime depuis toujours, un morceau intitulé Flash Bang Wallop. Il se marie finalement avec celle qu'il avait délaissée, son amie d'enfance du même milieu populaire où il avait grandi. Attention, vous êtes prêts pour la photo ? Smile, please. All smile. You too, sir. I am smiling. All lined up in a wedding group, here we are for a photograph. We're all dressed up in a morning suit, all trying not to laugh. Since the early caveman in his fur took a trip to Gretna Green, there's always been a photographer to recall the happy scene. wallop, what a picture, creep, what a picture, what a photograph. Poor old soul, blimey, what a joke, hat blown off in a cloud of smoke. Clap, bam, stamp your feet, banging on the big bass drum. What a picture, run to the yum, bum, bum, bum, bum. See it in your family, album. Thank you very much. One more picture, hold it. The same thing happened long ago when man was in his prime. And what went on we only know from the snaps he took at the time. When Adam and Eve in their birthday suit decided to get wed. As Adam was about to taste the fruit, the man with the camera said, hold it, let's bang, what a picture, what a picture, what a photograph. Poor old Eve, there were nothing on, face all red and a fig leaf gone. Clap hands, stamp your feet, banging on the big bass drum. What a picture, run to the up, pump, pump, pump, pump. See you in your family, album. Thank you very much. One more picture, hold it. You've read it in a folio or seen it in a Shakespeare play. How Juliet fell for Romeo in the merry month of May. And as he climbed the orchard wall to reach his lady fair, as he tumbled she began to bawl, as he floated through the air. Hold it! Flash bang, what a picture, what a picture, what a photograph. Poor young chap, what a night he spent, tights all torn and his rapier bent. Clap hands, stamp your feet, the big bass drum. Hey. What a picture, what a picture. Run to the album, bum, bum, bum. See it in your family, album. One more picture, hold it. King Henry VIII had several wives, including Anne Boleyn. And he kept an album of their lives with all their photos in. As Anne Boleyn was on her knees, dressed in her very best frock, King Henry shouted, smile, dear, please, as her head rolled off the block. Hold it! What a photograph. Comes the print in a little while. Lost her head, but she kept her smile. Clap hands, stand your feet, hey, banging on the big bass drum. What a picture, what a picture. Run to the up, bum, bum, bum, bum. See you in your family, album. Thank you very much. One more picture. When Napoleon married Josephine, there was just the same to do. He galloped home from the battle scene, all the way from Waterloo. And as he came from off his horse to the boudoir where she sat, she said to him, in French of course, as he took off his big cocktail. Hold it! What a picture, what a picture, what a photograph. There she was, with her big azar, all caught up in a roo-la-la. Clap hands, stamp your feet, bang on the big bass drum. Hey! What a picture, what a picture, run to the up, bum, bum, bum, bum. Exciting effects of the lighting. Deux extraits musicalement à l'opposé de cette comédie musicale de David Henneker qui s'intitule Half a Sixpence, que nous découvrons ce matin sur la 42e rue de France Musique. Je traduirai ça, Half a Sixpence, par la moitié d'une pièce de 6 pennies. Alors, à l'instant, une valse dans un milieu bourgeois, ça s'intitulait The Old Military Canal, lorsque le héros nouveau riche demande lors d'une régate de bateau la main à une jeune bourgeoise dont il est tombé amoureux. Et puis juste auparavant, quelque chose de beaucoup plus ébouriffant, plus festif, le mariage finalement du héros avec son ami d'enfance venu d'un milieu plus populaire, une chanson qui était intitulée Flash Bang Wallop. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. C'est une idée de producteur, en fait, que cette comédie musicale. Producteur, impresario Harold Fielding, qui souhaitait monter une comédie musicale pour mettre en valeur les talents d'une jeune popstar de 27 ans, Tommy Steele. C'est la femme de David Henneker qui va suggérer d'adapter en comédie musicale le roman méconnu de H.G. Wells, Kipps, l'histoire d'une âme simple. Dans ce roman, l'auteur de La Guerre des Mondes racontait son enfance pauvre, éloignée de sa famille, placée comme apprenti dans une boutique qui était située à Folk Stone, dans le Kent, en Angleterre, dans les années 1900. Le livre, c'était une satire sociale. Il racontait H.G. Wells la découverte par le héros de la bourgeoisie et puis la grève qui ne prenait pas lorsqu'il se mettait à la fréquenter. Dans la comédie musicale, tout comme dans le livre de H.G. Wells, le héros travaille adolescent comme apprenti dans une boutique dont le patron fait marcher tout le monde à la baguette sous un principe très rigoriste. C'est le titre d'une des premières chansons du spectacle, entonnée par le héros et ses collègues qui logent tous ensemble en se moquant du patron. All in the cause of economy. Tout pour l'économie. Economy. Our wage each week is a long time coming, all in the cause of economy. The gas pipes leak and there ain't no plumbing, all in the cause of economy. There's hundreds of rules we must all obey, but each time we break one it makes his day. 'Cause it gives him a chance to dock our pay. All in the cause of economy. He gives us tea, but it's halved and quartered. All in the cause of economy. The beer is free, but the beer is watered. All in the cause of economy. At meal times we sit down and say a prayer. We pray for some steak that is nice and rare. 'Cause the steak is so rare, it's rarely there. All in the cause of economy. Shelford has a way of saving money on his own party. I'm all in the cause of economy. When he owes his pay, he just declares the blooming moratorium. I'm all in the cause of economy. In winter we perish to save his coal, and even on Sunday he takes his toll. When he sends us to church to save his soul. Efficiency, economy, la la la la la la la la la la la. Efficiency, economy, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Efficiency, economy. Efficiency, economy, system. Thank you. blow. And he ups the prices. All in the cause of economy. He's pure as snow, 'cause he's got no vices. All in the cause of economy. And as for his missus, from what one hears, she sits all alone there in floods of tears. 'Cause she ain't had a kiss in 40 years. All in the cause, all in the cause, all in the cause of economy. En 1967, Count Basie avait, avec son orchestre, enregistré et interprété la partition entière de cette comédie musicale de David Heinecker, Half a Sixpence. Count Basie était au piano. Alors, ce spectacle, Half a Sixpence, eh bien, parlons du titre et parlons de la chanson-titre que l'on vient d'entendre. Ça raconte le destin d'un jeune homme pauvre qui devient riche, ça on l'a compris, mais qui, enfant, avait promis à son amie Anne de ne jamais la quitter. Alors, pour faire cela, eh bien, il avait tout simplement décidé de partager avec elle une pièce de 6 pennies. Sur scène, en 1963, Tommy Steele interprétait Arthur et Marty Webb, Anne. How'd you find out about the lovers' tokens then? I read in the Sunday papers what lovers' tokens are. There's amulets and talismans like a ring or a lucky star. It says that half a sovereign is a thing they use a lot. But sixpence is the only thing I got. Still, half a sixpence is better than half a penny, is better than half a farthing, is better than none. It's a token of, it's a token of our eternal love, our eternal love. When you're far away, when you're far away, touch it every day. And though that half a sixpence can only mean half a romance, romance, Remember that half a romance is better than none. But when I'm with you, but when I'm with you, one and one make two, and likewise two of sixpences joined together make one. Half a sixpence is better than half a penny, is better than half a farthing, is better than none. It's a token of our eternal love. It every day. And though that half a sixpence can only mean half a romance, romance, remember that half a romance, romance is better than none. But when I'm with you, one and one make two, and likewise two of sixpences joined together make one. La la la la, joined together make one. La la la, joined together make one. Ladies wear, don't make much sense compared to the clothes what's worn by gents. Look at all the stuff they clutter up the shelves with to cover up themselves with. What's it for? What's it for? A great big bust sticking out in front and another one shoved on the rear. It makes you think, yes, it makes you think when you think what ladies wear. But my girl Anne wears a simple dress, yet you'd think she was a real princess. My girl Anne, sensible and free, don't wear bustles where a seat should be. My girl Anne, on the promenade, don't wear satins by the blooming yard. My girl Anne doesn't wear a fur, furs and feathers ain't the togs for like the ladies wear, who like to be got up like a full menagerie. Animals and birds, they make a great to-do if you fill the folks and zoo with what they wear. Gold, what they wear, it's foxes, heads, birds of paradise, and a parrot's nest perched on their air. It makes you think, yes, it makes you think when you think what ladies wear. When you think that the art of the draper's trade is ladies wear. Half a Sixpence est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, une comédie musicale britannique qu'on découvre, un grand succès outre-Manche en 1963 qui s'est exporté jusqu'à Broadway et a même été adapté au cinéma. Le remarquable label britannique Stage Records a fait paraître à l'automne dernier un CD fascinant dont on vient d'entendre un extrait. Vous avez vu des maquettes, vous l'avez entendu, des maquettes très professionnelles de ces chansons, en fait enregistrées avant que le spectacle ne soit produit pour convaincre les investisseurs, dont eh bien des chansons coupées finalement lorsque le spectacle apparaîtra sur scène, jugées soit redondantes, soit parce qu'elles ralentissaient le rythme du spectacle. C'est le cas de cet air qu'on vient d'entendre, Ladies Wear, une description de la boutique de vêtements où travaille le héros apprenti. Cet album de maquettes qui vient de sortir permet aussi d'entendre la voix du compositeur David Henneker, compositeur sur le tard, né en 1906, qui compose cette œuvre donc à 55 ans. Voici donc sa voix de David Henneker et son doigté au piano, on va dire quoi, très droit dans sa façon de chanter. C'est une chanson qui décrit avec humour les mœurs et coutumes bourgeoises. How fashionable and amusing it always seems to be when we meet at Mrs. Botting's. his weekly anagram tea. If anagrams are too confusing, there's Ludo or Bezique. When we meet at Mrs. Botting's, anagram tea each week. There are most appropriate parlor games, conundrums and charades. And Captain Toot will execute some daring tricks with cards. How fashionable and amusing. What suitable recreation for an anagram is safer than intelligent conversation. And a conjuring trick has got more kick than anything at all that we might say at Mrs. Botting's weekly anagram tea. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. I don't believe a word of it. A single blinking word of it. Whoever ever heard of it, it's not like him. Well, if you want to know what I think, I'll tell you, not half. Well, tell us. You're jealous. Oh, Artie, that's a laugh. It ain't a blooming joke at all, a blinking ruddy joke at all. It ain't that kind of bloke at all, just use your eyes. It's all a pack of blinking ruddy lies. Lies. Lies. I'd like to know just what you're driving at. I don't know with mutton to what I am. Just a feeling inside of me. I know what I am. I just can't abide what's false and sham. Calling cards, bloody duds. I know what I am. En 1996, on fêtait dignement les 90 ans du compositeur David Heinecker au Theater Museum de Covent Garden avec, eh bien, on vient de l'entendre, la créatrice du rôle de Anne, l'amie d'enfance d'Arthur, Marty Webb, qui a interprété deux chansons de cette comédie musicale que nous découvrons ce matin, Half a Sixpence. Deux chansons, la première, c'est lorsque elle découvre cette amie d'enfance, bien que son ami Arthur la délaisse pour une jeune femme de la haute société. Et puis, la chanson plus lente, la ballade I Know What I Am, où elle affirme qu'elle n'a pas honte d'être de classe populaire. C'est un spectacle qui fonctionne bien, Half a Sixpence en 1963, et qui va connaître un beau parcours, transfert à Broadway en 1965, et adaptation à Hollywood, toujours avec Tommy Steele dans le rôle principal, deux ans plus tard. Un film signé George Sidney, efficace réalisateur de comédie musicale à la MGM durant l'âge d'or, on lui doit Kiss Me Kate ou Pale Joey notamment. Il reconstitue dans ce film de 2h30, super production quand même, l'Angleterre provinciale de la fin du 19e siècle, la dure vie des apprentis, et puis insiste un peu pesamment, faut bien le dire, sur la différence entre les classes sociales. Voici le moment où Tommy Steele, Kipps, exprime son amour d'une jeune femme d'une autre classe. Un grand numéro dans le film. If the rain's gotta fall, let it fall on Wednesday, Tuesday, Monday, any day but Sunday. Sunday's the day when it's got to be fine, 'cause that's when I meet my girl. If the rain's gotta fall, let it fall on Maidstone, Kingston, Oakston, any place but Folkestone. Folkestone's the place where it's gotta be fine, 'cause that's where I meet my girl. What if I start to get dreamy? Just supposing a ma should see me asking to wed a daughter, kneeling in the puddle of water. If the rain's gotta fall, let it fall on Scotland, Greenland, Finland, any place but England. England's the place where it's gotta be fine, 'cause that's where I meet my girl. If the rain's gotta fall, let it fall on Wednesday, Tuesday, Monday, any day but Sunday. Sunday's the day when it's gotta be fine. Why? That's when you're meeting your girl. What could be wetter or damper than to sit on a picnic hamper, sipping a sarsaparilla underneath a leaky umbrella? If the rain's gotta fall, let it fall on Thursday, Saturday, Friday, any day but my day. Sunday's the day when it's gotta be fine, 'cause that's where the leader must go. If the rain's gotta fall, let it fall on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, any given Sunday. If the rain's gotta fall, let it fall on Wednesday, Tuesday, Monday, any day but Sunday. Sunday's the day when it's gotta be fine, 'cause that's when I meet my girl. What if the weather gets rainy? There I'll be like a bloomin' zany, trying to say I love her. Then we have to break and take cover. Over a year. Suddenly I caught all of the fish in the bay. Six bass and a conger and something much longer, which got cleaner waves. So talking of women, how do I find the best match? When the one you want most is the one that you never catch. When a man is in the money, women may start calling. None are as enthralling as the one who's run away. While they sniff out where the cash is, batting their eyelashes, he just wants the one who's run away. Some may try a little harder, feign undying ardor, give him all they've got to make him stay. But he'll always run to the one who's run away. Talking of women, I've had my fair share of fun. Many affairs, though, ended before they'd begun. Suddenly, one day, I see an angel go by. I go into action, and what's her reaction? Biff! A slap in the eye. So, talking of women, here's what I wanted to say. The one you want most is the one who has run away. When a man is in the money, women may start smiling. None are as beguiling as the one who's run away. Though his head may not stop turning, part of life is learning. He just wants the one who's run away. Some may try a little harder, feign undying ardor, give him all they've got to make him stay. But he'll always run to the one who's run away. Well, that's all very fine, Mr. Chitlow, but that doesn't alter the fact that I'm still stuck with Lady Bunny's musical evening. I do not envy you, my boy. I do not envy you. He'll always run to the one who's run up. Always run to the one who's run away. Always run to the one who's run away. Half Sixpence fait vraiment partie du patrimoine de la comédie musicale britannique et elle a été remontée la saison dernière, cette comédie musicale à Londres avec Charlie Stemp dans le rôle titre. On vient d'entendre un extrait de ce nouvel enregistrement, une chanson intitulée The One Who Runs Away. L'enregistrement est disponible actuellement chez First Night Records. Le film à voir, si vous pouvez, bon, il est très kitsch, il est très sucré. On vous a mis la bande-annonce sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et puis je remercie Cassis Anne-Paul qui vient de m'envoyer une précision par internet en m'expliquant en fait toute la symbolique de la pièce de 6 Pence, qui en fait était le symbole du mariage. Cassis Anne-Paul m'explique par mail que c'était en fait la première pièce en argent du système monétaire anglais et la seule que le milieu populaire et défavorisé avait en main jusqu'aux années 1900. Les ouvriers, les paysans étaient payés en fait en copper coins, c'est-à-dire en penny au pluriel, et la pièce de 6 pence était le cadeau de mariage et de fidélité par excellence, d'où l'importance de ce titre Half a Sixpence, une comédie musicale à redécouvrir, signée David Henneker. Dans l'actualité des comédies musicales, on reste à Londres avec un beau travail original et audacieux. Enfin, on reste à Londres parce que c'est l'adaptation de l'histoire de Jack l'Éventreur, mais c'est un spectacle qu'on peut voir à Paris, au théâtre de Trévise. Ça s'intitule Jack l'Éventreur de Whitechapel, écrit par Guillaume Bouchède et Jean Franco. Musique signée Michel Franz, qui fut longtemps directeur musical de la Comédie Française. 11 acteurs, un trio de musiciens qui plongent dans le Londres du 19e siècle, décidément dans un esprit qui évoque à la fois Les Misérables et Sweeney Todd musicalement. Et une histoire qui nous rappelle bien ce fait divers qu'on connaît, mais pas si bien que ça finalement, fait divers cruel, de jeunes prostituées tuées, défigurées par un assassin mystérieux, avec aussi quelques ressorts comiques à travers l'enquête de police qui permet de faire osciller cette œuvre du grand guignol au numéro plus léger, tout cela dans une mise en scène astucieuse de Samuel Sonnet qui ne laisse pas de côté la face sanguinolente de l'histoire. Voici un extrait de cette comédie musicale, Les temps changent. Dans ce quartier-là, ça grouille de rats. On dit qu'ils les mangent en ragoût. J'ai même entendu dire, et c'est bien pire, qu'ils buvaient l'eau des égouts. C'est vrai, sur ces gens-là, on peut dire tout et son contraire. Change et dans la fange qui engloutit notre cité pourrait éclore vive et sonore la voix de la fraternité. C'est parfois de la terreur que surgit le meilleur. Un drame peut faire naître l'espoir. Nous les chargions de tous les maux, les traitions d'animaux. Mais il nous faut ouvrir les yeux, nous autres ne valons pas mieux. Oui, les temps changent et nos prières vaincront la folie meurtrière. Une étincelle toute nouvelle fera éclater la lumière. c'est parfois de la terreur que surgit le meilleur. Un drame peut faire naître l'espoir. Un drame peut faire naître l'espoir. Jack Léventreur, on a entendu à l'instant Laura Ben-Simon, Jean-Baptiste Darrozet, Rachel Pignot, Sandrine Seby. C'est à découvrir, ils sont 11 sur scène, 3 musiciens, au théâtre Trévise le lundi et le mardi soir. Plus d'infos sur 42e rue, la page de l'émission sur francemusique.fr. Cette rue, c'est la vôtre. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par Facebook, la page de 42e rue, ou par Twitter avec le hashtag 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Stéphane Poitvin, Fabien Flora. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec, en direct, avec la troupe au complet de Grise. Dans un instant, la chambre classique de Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.